Des Saguenay avec notre ami Sébastien Morin, le descripteur des matchs des Saguenayens. Salut Sébastien. Sébastien, deux matchs encore en fin de semaine, depuis notre dernière chronique, jeudi et également samedi, c'était une défaite contre l'Armada de Bainville-Boisbriand. Exact. Samedi, ça n'a pas très bien été, je pense, en deuxième période particulièrement. Pour les hommes de Yannick Jean, Joël Bouchard, la veille, est allé perdre un match avec l'Armada du côté de Baie-Comeau. Et j'imagine que le 3h30 de route entre les deux villes, ça a été du vidéo, puis de la motivation, puis ça me prend une meilleure performance que ce que vous avez donné hier du côté de Baie-Comeau. C'est le mot d'ordre, j'imagine, qui a été transmis aux joueurs de l'Armada. Et samedi, ils sont sortis très, très fort pour le début de match. Et eux, ils ont travaillé avec soutien, puis le long des rampes et tout ça pendant 60 minutes, parce que les ils ont peut-être moins bien fait en deuxième période. Ont eu leur opportunité. Xavier Potvin a encore été une fois très, très solide devant son filet. Très heureux de la tenue de Xavier Potvin présentement. Malheureusement pour lui, en première période, c'était un mauvais rebond de lancer. La rondelle avait des yeux puis a fini par les déjouer. Mais Xavier Potvin aurait certainement mérité un jeu blanc dans ce match-là, mais ça n'a pas été une grande performance des hommes de Yannick Jean. Ça a beaucoup mieux été dans la victoire de jeudi dernier contre les Dakar de Baie-Comeau, qui sont encore les adversaires des Sags ce soir. Est-ce que la situation, parce que Potvin fait bien là, dans l'ensemble chez les Sags depuis qu'il a remplacé Biggio, est-ce que ça ressemble un petit peu à Condon Price? C'est un peu le même pas. Oui et non. Condon avait connu un solide rapport en remplacement de Carey Price. Xavier Potvin, ça a été tout le contraire. C'est la confiance est venue de match en match dans son cas. Puis ça a l'air d'être un gardien de but qui a besoin de voir des matchs d'action pour performer. Au début de la saison, c'était coup-ci, coup-ça. C'était avec des hauts et des bas. C'était irrégulier ses performances devant le filet. Mais depuis qu'il tient le fort, depuis la mi-décembre que Julie Oublié est blessé, et Xavier Potvin fait très bien. C'est depuis ce moment-là, puis on a senti, tu sais, il y a seulement une défaite en décembre, Xavier Potvin, joueur défensif du mois, et il a fait très bien dans les départs de janvier. Très content de sa tenue, très heureux pour le kid. Ça n'a pas été un passage très, très facile à Chicoutimi. Tu sais, tu viens t'installer dans les traces de ton père, qui a la banderole au plafond, qui a certainement été un des meilleurs, sinon le meilleur gardien de l'histoire des Sags. Pas évident comme situation. Les attentes étaient très élevées dans son cas. A pas connu de très bonnes performances dans ses premiers matchs, mais réussi à se relever de brillant. Ok, Billy, quand est-ce qu'il revient, là? Il a commencé. Billy a recommencé à s'entraîner pour un retour au jeu. Il devrait ou potentiellement disponible pour les matchs du 23 et 24 janvier à notre retour au Centre Georges Vézina ou encore la semaine d'après. Parle-moi de l'acquisition des Sags. Un Peter Cooper, un gars de l'Ouest. Comment se fait-il que Yannick Jean est allé chercher un gars de l'Ouest? C'est sûr que le gars, on le sait, il était comme joueur autonome. Il était mis placé au balotage. Mais les recruteurs ont travaillé, sont allés chercher un joueur de l'Ouest d'abord. Le faire venir à Chicoutimi, c'est quand même un exploit, là, quand tu parles de l'Ouest, là. Exact. Dans le passé, les gens, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, demandaient si Taylor Cooper allait finalement se présenter à Chicoutimi. On les a rassurés rapidement. Voyager samedi, est parti le matin de la Saskatchewan, est arrivé en soirée. Ici à Chicoutimi, a été très bien accueilli. Il s'est adapté assez rapidement avec ses nouveaux coéquipiers. Je l'ai vu pratiquer hier. C'est juste une pratique. Il ira très, très, très rapide. A l'air de savoir jouer du hockey. C'est de très bon augure pour le reste de la saison. Honnêtement, je pense qu'on n'a pas perdu tant que ça en échangeant Gabriel Paquin-Boudreau. Si ce joueur-là est capable de prendre peut-être la moitié des tâches que Boudreau avait, c'est-à-dire de bouger la rondelle puis de servir de sa vitesse pour faire reculer les défenseurs des équipes adverses, ben ce sera mission accomplie pour Yannick Jean et son équipe de dépisteurs. Ça, c'est un contact qui leur a transmis l'information que ce joueur-là était disponible. L'an passé, c'est 60 points dans la Ligue de l'Ouest. C'est pas évident. C'est pas une ligue de marqueurs de but. 60 points, c'est des bonnes saisons côté production offensive. Sur la grande patinoire, avec un bon flair offensif, un bon coup de patin, moins de mise en échec que dans l'Ouest canadien, pourrait donner de fiers services à Yannick Jean et à son équipe, puis au Saguenay-Chicoutimi. Très content. Puis l'autre aussi, là, Marc Bezaoui, qui est arrivé dans le match de samedi pour... On peut prendre la place de Samuel Billier. A grandement amélioré, je dirais, la présence physique sur la patinoire. Un gars qui est capable de jouer du hockey. On dirait que les joueurs qui viennent de l'Ontario puis de l'Ouest sont un peu mieux formés, je dirais, pour les systèmes de jeu. Je sais pas si le hockey de développement est en meilleure santé. J'imagine que oui, parce que ça paraît sur la patinoire quand c'est des gars de l'Ontario puis des gars de l'Ouest qui débarquent au Québec. Je vais dire malheureusement, mais heureusement, on a réussi à en prendre deux bons pour remplacer les joueurs qui ont été changés à la dernière période de temps. Sébastien, je veux parler de Frédéric Allard qui a été oublié pour le match des espoirs. Est-ce qu'il est déçu? Ben, pas tant que ça, parce que rappelez-vous, l'an passé, ou il y a 2 ans, Laurent Dauphin avait été invité en raison d'une blessure, et finalement a déjà disputé des matchs dans la Ligue nationale de hockey, Laurent Dauphin. Quand t'es classé B pour ce qui est des recrutements, c'est-à-dire deuxième et troisième ronde pour le prochain repêchage, souvent c'est les A et quelques B qui sont invités, les premiers, je dirais, qui flirtent avec la lettre A, les classifications données par les dépisteurs de la Ligue nationale. Alors, bon, mais il peut être à une blessure ou deux blessures d'être invité au défi des espoirs. Dans son cas, c'est pas très grave. Il est épié de toutes parts par à peu près tous les dépisteurs de la Ligue nationale de hockey. À chaque fois qu'on se déplace, il y a des rencontres presque à tous les semaines avec les équipes de la Ligue nationale. C'est un gars qui va se faire repêcher. Deuxième, troisième ronde, pas plus haut que ça, c'est à peu près certain. Donne du gros hockey pour Yannick Jean. A été en demande à la dernière période de transaction par des équipes qui voulaient s'améliorer pour la suite des choses. Yannick Jean n'a pas voulu l'échanger parce que c'est un rouage important pour cette équipe-là. C'est un gars qui a été repêché ici, il est repêché à Chicoutimi en plus de ça. C'est adapté à la ville, même si c'est un gars de Québec. Un gars de Québec qui s'adapte à la ville, là, j'en suis l'exemple parfait. Ça arrive, puis dans le monde du hockey, c'est encore plus facile. C'est un gars qui va donner le fair service dans les prochaines années, mais pour ce qui est de son invitation au défi des espoirs, oui, j'imagine que ça le déçoit un peu, mais c'est réservé au privilège, je dirais, des gens qui sont potentiellement repêchés en première ou au début de la deuxième ronde. Frédéric Allard, comme je te le disais, est à une blessure ou deux peut-être de se réinviter à ce moment-là. Donc Sébastien, on se reparle la semaine prochaine? Avec plaisir. Le discuteur des matchs des Saints, Sébastien Morin.